weißt du, was ne Bitch ist? Bitch ist, Bitch ist, Bitch ist, Bitch ist. Eine geile Schlampe mit Pussy Power. Alle Hurensinne an die Mauer. Hammer auszusehen mit Endporno-Optik. Eine Monstermöse, die dein Kopf fickt. Kein Blatt vor die Muschi zu nehmen. Zu ficken und einen Fick zu geben. Business zu machen mit Film und Musik. Ich kaufe mir meine eigene Modeboutique. Eine feuchte Fotze, komm und lecke sie. Türkischer Porno wie Sibeke Kile. Zu kämpfen mit den Waffen einer Bitch. Das, was ich will, dass die anderen immer machen, was ich will. Wenn ich dich reite, so lange bis ich komm, Schwänze zu lutschen wie Sahnebonbon. Eine Fotze, unrasiert, ein Macho wie ein Köter kastrieren. Mit 5 Jahren schon masturbieren, mit 12 seine Jungfrau noch verlieren. Mit Kopftuch eine Kippe zu rauchen, seinem Vater nicht alles zu glauben. Ein Leben von Affäre zu Affäre, dass ich mich vom Bitchen ernähre. Du meinst, dass du mich diss, nennst du Ficker mich Bitch. Junge, die Wahrheit ist, ich bin ne Bitch. Bitch ist für mich ein Tritt, für mich ein Kompliment. Junge, du bist verklemmt, ich bin ne Bitch. Pisser, ich mach mein Ding, Note steht auf meinem Ring. Keiner kann mich bezwingen, ich bin ne Bitch. Du willst wissen, was ne Bitch ist? Ha, komm, ich zeig dir, was ne Bitch ist. Ich tu, was ich will und ich bleib, wie ich bin. Ja. Ich weiß, es wird schwer, doch ich werde gewinnen. Es ist mir egal, ob die Welt mich versteht. Es hält mich nichts auf, ich geh weiter meinen Weg. Yeah. Seinen Job verlieren und Porno-Rap zu machen. Seine prüde Chefin dafür zu verknacken. Radio Bremen zu ficken und zu stoppen. Mit der Bild den Lügnern das Maul stopfen. Zu petzen bei RTL explosiv. Zu hetzen auf dem Juice exklusiv. Über 60.000 Klicks an einem Tag. Über 60.000 Blicke auf meinem Arsch. Zicken Alarm und Fotzen Krieg. Nutten zu dissen wie Mel Beats. Wie ich zu sein, Lady Bitch Ray. Auf alle zu pissen, I did it my way. Ich bin ne Bitch. Du meinst, dass du mich diss, nennst du Ficker mich Bitch. Junge, die Wahrheit ist, ich bin ne Bitch. Bitch ist für mich ein Tritt, für mich ein Kompliment. Junge, du bist verklemmt, ich bin ne Bitch. Pisser, ich mach mein Ding, Note steht auf meinem Ring. Keiner kann mich bezwingen, ich bin ne Bitch. Du willst wissen, was ne Bitch ist? Ha, komm, ich zeig dir, was ne Bitch ist. Ich bin ne Bitch. Du meinst, dass du mich diss, nennst du Ficker mich Bitch. Junge, die Wahrheit ist, ich bin ne Bitch. Bitch ist für mich ein Tritt, für mich ein Kompliment. Radio-rageuse.net. Bonsoir, comme une ouragan, l'émission féministe sur Radio Lio, une fois sur deux, le mardi à 21h ou 21h06, comme ce soir. Aujourd'hui, on vous parle en fait de quoi on vous parle? Des cuirs dans le monde des musiciennes. En gros, j'ai dit comme ça, on pourrait détailler un peu. si vous avez envie. Et ben déjà, on a une invitée avec nous dans le studio. Salut. On profite de son passage à Saint-Étienne pour l'inviter à la radio. Je ne sais pas si tu as envie de te présenter, Sacha. Alors, je m'appelle Sacha, j'habite en Bretagne et je fais pas mal de punk dans plein de groupes. Et notamment guitariste et chanteuse dans Hostile qui est venue enflammer Saint-Étienne il y a quelques mois à la Gueule Noire. Mmh, tout à fait. Ouais, et aussi on fait cette émission parce que jeudi dernier, on a été voir Klaus Tinto et Aloïs Sauvage au Fil, du coup, la salle de musique actuelle de Saint-Étienne, où on va pas souvent en fait, et qu'on en a profité pour faire une interview croisée de Klaus Tinto et d'Aloïs Sauvage pour un peu savoir c'était quoi être queer et faire de la musique aujourd'hui. Ok, alors mettez-vous confortable dans des fauteuils, des canapés et profitez de cette interview croisée de Klaus Tinto et Aloïs Sauvage. Jeudi dernier, comme un ouragan était au Fil pour le concert de Klaus Tinto et Aloïs Sauvage. On en a profité pour les interroger sur leur place de queer dans la musique. Première question, du coup toi t'es une meuf lesbienne, gwyn, je sais pas c'est quoi le terme qu'utilise le plus, qui fait de la musique, comment ça se passe pour toi dans ce monde sexiste et hétérosexuel des musiques actuelles? Et ben voilà, tout est dit dans la question. Ouais, je suis une chanteuse lesbienne. Comment ça se passe pour moi? Bonne question. J'essaye de m'entourer au mieux de gens qui me comprennent pour que mon processus artistique et mon chemin créatif soient joyeux. Après, je trouve que le plus compliqué pour moi, c'est d'être accompagnée par des gens de manière générale au sein des structures que sont par exemple les maisons de disques, pour ne citer qu'elles, ou d'autres accompagnements, où globalement les gens ne me comprennent pas totalement. Et du coup, ont un regard qu'ils posent sur moi qui est toujours un peu à côté et qui essaye forcément, consciemment ou pas, de me mettre dans une norme dans laquelle je ne me situe pas. Voilà, déjà, c'est un peu un résumé, hein, on peut préciser, mais voilà. Après dans ma vie, je redébute parce que là, je viens de sortir un nouvel album, qui est mon deuxième album. Mais mon premier album, il a un peu eu une vie en pointillé parce qu'il y a le confinement. Et du coup, j'ai pas pu le faire vivre sur scène. Donc, il y avait quand même... je suis pas à plaindre. J'étais en train de gratouiller une petite place quoi, dans le paysage de la musique française. Mais du coup, j'ai eu un peu l'herbe coupée sous le pied. Et il a fallu... prendre du recul, changer d'équipe notamment, enfin faire plein de choses pour renaître un peu et retrouver de la joie dans tout ça, et ce qui a donné cet album-là. Mais donc ma visibilité, elle est, comment dire, j'y suis confrontée au fur et à mesure, mais je suis pas non plus exposée, je pense qu'on peut, que du coup forcément mon statut de chanteuse lesbienne aurait un impact différent, pardon, ça veut rien dire ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que je commence à avoir des putains de commentaires homophobes sous les clips et tout ça, et que souvent les gens pensent qu'ils font une critique musicale. Alors là, je parle des haters, hein, des gens qui font une critique négative de ma musique, alors que tout bonnement, ils sont juste en train de d'avoir des commentaires d'une grande violence sexiste et homophobe. Voilà. Pardon, c'était pas, j'ai eu du mal à développer ma pensée, mais... T'inquiète, y a pas de soucis. Mais du coup, est-ce que le fait d'avoir fait un coming out lesbien a changé des trucs dans ta vie d'artiste ? Ouais, ça a changé ma vie tout court, déjà. et en fait, ce coming out lesbien, je l'ai fait en même temps que j'ai fait de la musique. Mmh. En fait, pour être tout à fait honnête... en écrivant mes premières chansons, en tout cas celles qui ont été dévoilées aux yeux du monde, on va dire, j'étais en train d'écrire que j'étais en train de tomber amoureuse d'une fille. Et donc, en fait, tout s'est fait de manière parallèle. Et on le voit un peu si j'arrive pas à parler aujourd'hui. Si on zoome dans ma petite discographie, on le voit aussi dans ma façon d'écrire qui a évolué. Par exemple, j'ai sorti mon premier EP Jimmy en 2019. Dedans, il y a une chanson qui s'appelle À l'horizontale, où là, j'utilise aucun pronom. Et après, il y a une autre chanson qui s'appelle Jimmy, qui porte le nom de l'EP, qui est clairement une chanson d'amour lesbienne, mais en tout cas où moi, j'écris en racontant l'histoire de cette protagoniste qui s'appelle Jimmy, et en montrant au fur et à mesure qu'il s'agit d'une fille, et que du coup l'histoire d'amour se passe entre deux meufs. Donc je suis encore un peu en distance par rapport à ça dans l'écriture du jeu. Là, je le dis avec beaucoup de recul et même de bienveillance envers moi-même. C'est assez mignon, en vrai, de regarder. Mais après, il y a Dévorante, mon premier album. Là, au même moment, j'ai fait un podcast qui s'appelle Coming Out, qui était aussi une façon vraiment, vraiment, vraiment de le poser avec des mots pendant une heure de discussion sur un podcast où il y a plein de gens qui racontent leur coming out d'artistes et tout sur Spotify. Et au même moment, j'ai sorti mon album Dévorante, où là, ça faisait déjà un petit temps que je commençais à comprendre plus qui j'étais. Du coup, l'envie aussi de faire, pas forcément un hymne, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, une chanson plus collective, où je sens que j'appartiens à une communauté, etc. Donc, j'ai fait Homo Oui. Et puis, c'est marrant, là, je viens de sortir Sauvage, et je me rends compte, mais là, c'est plus conscient, que j'avais vraiment envie d'arriver, de revenir et tout, en disant... Elle, en utilisant vachement le pronom elle, je l'aime, elle, j'ai envie de faire l'amour avec, elle, c'est ma meuf, elle, je la séduis. Et du coup, il y a vachement le pronom elle. Et voilà, je trouve qu'il y a du coup une évolution aussi dans moi, mon affirmation est personnelle et du coup dans mes chansons. Et j'ai pas du tout répondu à ta question qui était qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. En fait, ce qui est fou, c'est que je me rends compte que j'ai fait des chansons qui ont eu une réception. En tout cas, ça m'a rendu visible en tant que jeune artiste et jeune artiste lesbienne. Et du coup, en fait, ça a eu un impact sur moi où j'ai dû aller plus vite, quoi. Enfin, en fait, j'avais un rôle, en fait. Enfin, en fait, on était en train de me donner un rôle. Enfin, en tout cas, j'étais un peu plus visible que certains et certaines. Et du coup, j'étais obligée de dire, ok, ah oui, d'accord, ouais, bien sûr, ok, je suis lesbienne. Et d'accord, ok, je vais plus, me déconstruire plus vite, essayer d'avoir un discours intelligible et pour aider la communauté, quoi. Mais tout ça était très parallèle à moi, un coming out très tardif, au final, vraiment. Mais c'est vachement beau et j'ai eu vachement de retour des gens, en fait. Enfin, en fait, c'était fou et ça m'a beaucoup porté, notamment par rapport à mes chansons, le podcast aussi, et mes chansons tout court. Le fait de dire à Louise, grâce à toi, j'ai fait mon coming out à ma famille, grâce à toi, je me rends compte que, grâce à toi, ça. Et vraiment, des gens de tout horizon, de tout âge voilà un peu, enfin tout ça c'est dans les 5 ans hein, là qui se sont écoulés, mais c'est beaucoup dans une vie de jeune lesbienne. Les BD sont beaux, j'ai osé rêver que tout le monde enfin le voyait. T'es une meuf trans qui fait de la musique, jusque-là. Comment ça se passe pour toi dans ce monde sexiste et hétérosexuel des musiques actuelles? Comment ça se passe? Je pense qu'en vrai, dans l'ensemble, ça se passe bien parce que je suis bien entourée de potes. Aussi, ça fait genre bien 10 ans, même plus de 10 ans que je fais de la musique dans des milieux... underground, alternatif, militant, tout ça, avec une longue partie où j'étais pas out de rien du tout, et du coup, j'ai senti que ça changeait avec mes changements à moi. J'ai l'impression que ça fait que aussi j'ai changé de réseau, ça a grave fait que j'ai changé de réseau dans lesquels je joue. mais aussi parce que ça a changé de style de musique et je pense que c'était un rapport et c'était un lien, quoi. Et ça a coïncidé aussi avec le moment où j'ai monté Clostinto en solo et du coup avec un projet qui se retrouve un peu plus à jouer dans des milieux institutionnels de la musique actuelle et où du coup ben je sais pas trop en fait ça a fait que j'ai un peu découvert le fait de me retrouver je sais pas comment dire accepté dans ce monde là en même temps que de faire un coming out PD puis trans et du coup je sais pas si ça aurait été plus facile ou pas sans ça on imagine que oui mais en même temps j'ai l'impression que ça coïncide aussi avec une espèce de moment où les institutions essayent de faire de la diversité comme on dit et du coup du coup j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien ou qu'en tout cas si ça se passe difficilement sur des trucs, c'est pas forcément lié au fait d'être transfemme, mais ou en tout cas c'est vraiment lié à plein d'autres trucs qui sont de l'ordre de c'est quoi les politiques des lieux et des orgas dans ce milieu là sinon dans le reste des milieux où je jouais avant ça a pas changé grand chose en vrai. Du coup t'as un peu répondu à la question suivante qui était un peu de est-ce que ça changeait des trucs le fait de transitionner dans ta vie d'artiste, du coup t'as un peu dit que tu t'as changé aussi de style de musique. Enfin, ça a suivi. Il y a d'autres choses qui ont bougé un peu par rapport à ça. Ben ouais, enfin, j'ai l'impression que ça a changé pas mal de choses dans le sens où je me suis retrouvé à jouer avec d'autres gens aussi, à avoir d'autres envies en termes de rapport au public et tout ça, d'autres peurs aussi, et du coup d'être à l'aise, d'être plus à l'aise à certains endroits, moins à l'aise à d'autres, et et je sais pas, non, je sais pas ce que trop ce qui a changé de plus. J'ai pas le droit de le dire, non. J'ai pas le droit de dire qu'on. Bien le temps qu'on passe ensemble, c'est si bon. Alors nous, on fait de la radio, du coup on se rend bien compte que c'est encore difficile de se faire une place dans les domaines techniques. Comment ça se passe dans la musique? Comment sont tes interactions avec les ingés sont les techniciens, programmateurs, et qui sont quand même des milieux bien masculins? Et ben pareil, ben en fait, en vrai, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, là, si on parle des lieux un peu institutionnels, type SMAC, type gros festival, trucs liés en lien avec des mairies, tout ça, que de toute façon, les interactions avec les programmateurs, c'est genre pas une de mes passions dans la vie, et je pense que c'est la passion de pas grand monde, et c'est vraiment genre souvent très très compliqué, d'autant plus quand t'as des projets un peu émergents comme ça, et que du coup, la sensation, c'est quand même assez souvent que les gens nous font un peu une fleur de nous accepter sur leurs incroyables scènes institutionnel. Et du coup, j'ai l'impression que globalement, les difficultés que moi je peux voir, et du coup, que ce soit avec les techniciens ou avec les programmateurs ou tout ça, elles ont toujours été là et elles existent un peu pour tout le monde, et que c'est juste genre un peu augmenté du fait d'être trans, du fait d'être transfemme, et du coup, il y a vraiment ce truc de transmisogynie, en fait, je vois très bien que ça se joue vraiment à 3 grammes de maquillage et comment je suis coiffée et comment je suis sapée, de si on va me faire confiance ou pas sur comment on branche une DI. Du coup, j'ai l'impression que c'est juste pas très agréable de base à plein de moments de bosser avec des gens pour qui, genre, un peu le spectacle vivant, c'est leur métier. Et que du coup c'est un peu le bureau, et que du coup on n'a pas les mêmes rapports aux choses, et aussi que c'est des milieux où il y a des enjeux financiers qui sont pas les mêmes que dans nos milieux. Et juste du coup c'est rendu, tu sais, il y a un petit ajout en plus si je veux qu'on m'écoute, il faut parler un peu plus fort ou prendre une grosse voix, ce que je fais avec plaisir. faut une mentalité dure. Frapper la cible avec ardeur. J'ai pas de mentor qui m'assure. Si je tombe dans la fosse, ce sera moi seul. Ils disent vouloir m'accompagner. Même pousse à la faute à l'abattage. Rabattent les cartes à leur avantage. Moi, ma seule base, c'est mon entourage. On va se hisser tout en haut du podium. Bah, moi, je dois dire que je bosse avec énormément de gars. Effectivement. Bah majoritairement, en tout cas ce que je vois, hein, je vais parler que de ma vie à moi, de mon regard à moi, mais c'est, il y a que des gars quoi, partout. Enfin, ouais, mes musiciens c'est des gars, mon ingé, mon régisseur, bah en fait je suis qu'avec des gars en tournée. Là, les seules meufs avec qui je suis en plus, c'est les copines de mes gars, et puis ma mère qui fait le stand merch, et puis ma... ouais, mon entourage vraiment très poche, ma vidéaste, ma meilleure pote aussi, ma copine évidemment. Mais comment je le vis ? Alors, il y a différents cercles en fait. Moi là, mon noyau dur, celui dont je te parle, mes gars comme je les appelle, ce sont tous des hommes hétéros, cis, pas tous blancs, mais en tout cas hétéros et cis. Et moi, en tout cas, c'est une famille choisie. C'est des gars que j'aime énormément, que j'aime parce qu'ils sont très sensibles. Et je pense que ça aide à se comprendre. Et qui, forcément, en étant embarqués avec moi dans mon projet, avec ma personne, avec ce que je traverse, avec mon identité à moi que je défends, forcément, ils sont amenés à embrasser du mieux qu'ils peuvent et à se déconstruire... aussi, j'espère, rapidement et avec beaucoup d'amour et d'envie. Donc voilà, eux, c'est mes frères, en tout cas, que j'embarque avec moi et avec qui j'ai beaucoup de joie à évoluer. Et après, il y a d'autres cercles où... en fait, je trouve que parfois, j'arrive pas trop à démêler parce que tout est mêlé, si c'est du sexisme ou de l'homophobie à mon égard, tu vois. Globalement, je vais dézoomer, je dirais déjà que je suis une meuf. Je suis une meuf et c'est des gars. C'est des gars. Et du coup, comment je le remarque, je trouve que c'est hyper dur d'être une meuf dans le milieu de la musique. J'ai pas beaucoup d'amis dans le monde de la musique, je veux dire des chanteuses ou des chanteurs. Je sais pas, c'est aussi parce que je débute et puis c'est un monde particulier, j'ai un peu de mal, enfin voilà, il y a beaucoup de faux semblants et tout, c'est pas évident, je trouve, mais il y a quand même des artistes que j'estime beaucoup et avec qui j'ai noué des liens, mais je peux pas dire que voilà, j'ai des amis vraiment très fortes dans le monde de la musique. Mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois que j'ai discuté avec une artiste meuf, il n'y a pas une vie ou un parcours où il n'y a pas eu un accident ou une mauvaise expérience, en fait, face à l'industrie musicale. Et en fait, je trouve que le point de départ, j'ai l'impression que, en fait, les gens ne comprennent pas qu'on a du pouvoir. Et qu'en fait, quand on le met en place, tellement c'est rare, ça effraie tout le monde. Et en fait, bah voilà, le cliché de la casse-couille, de la diva, de l'hystérique, dès que juste tu poses des conditions, dès que tu affirmes un projet, dès que tu es meneuse, en fait, chef de meute, tu vois. Et ça, je l'ai beaucoup vu au début. Moi, je viens de la danse, je viens du cirque contemporain, donc j'étais très novice dans le monde de la musique, mais néanmoins, j'avais un bagage artistique où... je savais de quoi je parlais, tu vois. J'en ai fait des pièces en étant interprète. Les lumières, mon imaginaire, je sais là où je veux aller. Après, je l'adapte ou là où j'en suis techniquement et ce à quoi j'ai accès, tu vois. Et en fait, je remarquais beaucoup, notamment dans la technique et tout, les gens me regardaient un peu en mode, c'est qui celle-là, tu vois. Parce que je disais juste, moi, je voudrais ça comme ça, ça comme ça. Et alors qu'un gars, franchement... franchement, j'ai l'impression de faire une généralité, mais en vrai, franchement, 85% des cas, c'est ça, quoi. Un gars, juste, il sait ce qu'il veut, il est courageux, il est là, alors qu'une meuf, elle est relou, quoi. Donc voilà, après, mon lesbianisme là-dedans, c'est juste que... bon, c'est rare hein, d'avoir l'occasion de parler franchement, en fait, avec des alliés. Donc souvent, j'ai un discours finalement beaucoup plus en surface et qui a qui fait finalement beaucoup de pédagogie dans un, voilà, un premier rang de lecture pour essayer d'expliquer ce que c'est le féminisme et d'expliquer, avec 3-4 mots, hein, et d'expliquer globalement qu'en fait, je suis pas un monstre bizarre et que je suis lesbienne et que je raconte pas mes histoires d'amour, mais vous avez pas trop l'habitude parce que c'est entre deux meufs, mais pourtant, voilà. Donc voilà, mais du coup, ça fait du bien de creuser avec vous, en plus en profondeur. Il y a beaucoup plus de meufs ouvertement lesbiennes, queer et tout, en tout cas, je trouve, dans le monde de la musique, en tout cas. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on a plus de facilité avec celles qui restent dans les stéréotypes de beauté, je sais pas si c'est le terme. On a quand même plus de facilité, je parle médiatiquement, hein, je parle pas de nous, mais avec les meufs qui restent dans des codes, du coup, bah, qui sont peut-être très féminines, tout ça, je le vois quand même. Moi, par exemple, j'ai un style vestimentaire plus masculin, bon, bref, je suis moins dans les stéréotypes. Et du coup, je sens que moi-même, on va du coup plus finalement me mettre dans cette case de ok, bah en plus je fais des chansons où je parle de ça, hein, mais ok, donc Aloïse, la féministe engagée, parce qu'en plus elle a ce truc là un peu de la lesbienne, un peu comme ça. C'est marrant, vraiment, je trouve que c'est flagrant, quoi. Je vais revenir un petit peu en arrière sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais de que ouais, tu fais partie d'une communauté, tu as utilisé ce mot là tout à l'heure. C'est de quelle communauté que tu parles quand tu dis ça? Je dirais la communauté queer, en fait. Dans tout ce que ça englobe pour moi, beaucoup de gens, au final, pas mal de gens, donc pas que des lesbiennes, si c'est ça la question. C'est un peu ça, c'était aussi sur laquelle... J'attendais de voir quel mot elle a utilisé, c'était queer, LGBT, TPG, ah ouais. Je crois que ça, bah, j'aime bien. Après, ouais, moi j'aime bien le mot queer, j'ai l'impression vraiment d'apprendre au fur et à mesure et de vouloir, enfin, utiliser les bons mots. Il y a peut-être pas de bons mots, chacun y voit aussi, et puis aussi selon là où on en est, et je trouve que c'est important de rester bienveillant aussi, et je le vois, même moi je vois comment j'ai évolué et comment je vois du coup avec d'autres personnes qui sont, vous voyez ce que je veux dire, qui sont au début de leur découverte aussi, et donc voilà, on s'approprie pas les mêmes mots, on n'en parle pas pareil, mais moi, ouais, la communauté queer, je dirais, bah franchement, les Gwyn, les PD, les trans, les intersexes, tout ça, quoi. Un peu tout ça, un peu tout le monde. Sur les réseaux, j'ai l'impression que, notamment TikTok et tout, les gens utilisent pas mal le terme LGBTQIA+, quand même, dans les hashtags, les trucs comme ça. Je sais pas, j'aime bien le mot queer, moi, donc j'aime bien. Le club des étranges, comme je dis dans une chanson qui s'appelle Unique, dans mon album. Unique, n'oublie pas t'es unique. Bah, moi, je considère faire partie de la communauté TPG, au moins celle de ma ville, au moins celle de Saint-Thé. Du fait de faire plein de concerts, je me retrouve quand même à beaucoup aller dans les lieux militants dans d'autres villes. Et du coup, je sens qu'il y a des espèces d'affinités un peu simples qui se créent sur des trucs de, bah, sur des trucs de genre et d'orientation sexuelle qui font que, bah, on est ensemble, quand même ensemble. Mais que je sens bien que... Enfin, mais que s'il y avait une communauté de qui je peux me dire que je sens que je fais partie, c'est vraiment juste la communauté de Saint-Thé, parce que, en fait, pour moi, ça ne se détache pas aussi de tout un tas de trucs qui sont de l'ordre de l'orga collectif de la vie de tous les jours, et pas que sur des trucs de solidarité vis-à-vis du genre et tout ça. Et que, du coup, ben, quand je vais dans d'autres villes, par exemple, je peux sentir des sortes de liens qui existent un peu de fait et qui sont simples dans les façons de faire, dans les façons de se reconnaître et de prendre soin les uns les unes des autres. Mais que j'ai l'impression que, enfin, pour moi, ce qui fait communauté, c'est vraiment le truc de faire des petits déj ensemble, quoi. Et est-ce que t'as pas l'impression des fois d'être la caution queer du monde de la musique actuelle ou des musiques actuelles? Eh ben, des fois, je pense que c'est des questions que je me suis posées, et en même temps c'était très bizarre parce que du coup, entre autres, il y a eu ce truc de le tout début de Clostinto, j'étais pas out de rien, et en fait même jusqu'à il y a pas si longtemps c'était un peu un espèce de truc un peu pas clair comme ça. J'ai rien dit à personne, mais bon, tout le monde voit bien que qui est Anguille Souroche. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où du coup, ça arrangeait bien des gens de m'avoir déjà programmé et machin nani, et en fait de dire ah mais en plus bonus on programme une personne queer, et du coup ça fait cocher une petite case du cahier des chartes inclusivité blablabli. Mais je trouve que le truc qui se passe et qui est merdique, c'est du coup que les lieux, que des lieux institutionnels qui sont pas du tout engagés de base et pas du tout queer et pas du tout je sais pas quoi, se mettent à faire des soirées queer où ils programment que des queers, et en fait, on le fait déjà, en fait, il y a déjà des gens qui font ça, et du coup, je trouve que quand il s'agit de donner de la visibilité, ça marche pas de faire ça, parce que ça fait juste rester les gens dans une espèce de ghetto comme ça, où ça va être devant des personnes, je sais pas comment dire, habituées et convaincues, et je sais pas quoi. Mais du coup, j'ai l'impression que les trucs de caution, il y a des... Enfin, et en même temps, je m'y fais, et en même temps, je suis là, en fait... Je sais pas comment dire. J'ai d'autres endroits d'organisation dans la vie où je peux me permettre de... Où j'ai envie de plus de radicalité et plus de précision politique que ça. Mais en fait, en vrai, la visibilité, c'est important. Ça fait du bien à plein de monde et machin. Et du coup, j'ai l'impression que ça me va. Et que, mais qu'au final, les endroits où ça m'a plus fait galérer à des moments, c'est plus sur la caution de gauche que sur les trucs queer, en fait. Parce que... Enfin, que ouais. Que les endroits où ça m'a le plus questionné, c'est aller porter des paroles hyper radicales dans des endroits qui le sont pas du tout, devant des publics qui le sont sûrement, en, même si là c'est vraiment des suppositions, en grande partie pas tant. Et du coup, à quel endroit ça fait juste des petits trucs de se faire le petit frisson de aller écouter quelqu'un qui dit des trucs radicaux sur scène, mais en fait dans un endroit qui ne porte pas des trucs radicaux. C'est ça la vie, c'est tout et petit, tout, tout est normal, la solitude c'est pas si mal, c'est ça la vie, c'est ça qu'on dit, laisse-les se noyer. C'est ça la vie, c'est ça qu'on dit, laisse tout s'écrouler. C'est ça la vie, c'est pas joli, tout est normal, la servitude c'est pas si mal, c'est ça la vie, si tout se vaut, c'est pas la vraie, tout est faux, tout est sali. C'est ça la vie, la mienne ici, c'est pas la pire, y'a la mère et les amis. C'est ça la vie, c'est ça qu'on dit, celle des autres est pourrie, c'est pas grave, je bouge pas, lève les bras, baisse les bras. C'est ça la vie, c'est là qu'on dit, bâillonné, menotté. C'est ça la vie, ça fait joli, décoré, maquillé. C'est ça la vie, fais pas de bruit, t'en fais pas, tout va bien, tu verras, les gens t'y gagnent. À la fin. Globalement, j'ai souvent l'impression d'être la caution queer féministe, hein, notamment dans les invitations médiatiques. Par exemple, là où c'est flagrant pour moi, c'est dans la promo de mon album, tu vois. C'est encore plus le cas avec celui-là, parce que j'ai fait une chanson qui s'appelle Crop Top sur le consentement, les violences sexistes, les féminicides, et parce que bah, du coup, comme je vous le disais, j'emploie le pronom « elle » dans mes chansons d'amour, qui sont du coup délibérément écrites pour, en l'occurrence pour moi, la femme que j'aime. Et du coup, globalement, à la deuxième question, on ne parle que de ça. J'essaye de répondre très positivement et évidemment de manière intelligente, et donc de prendre le temps, la pédagogie, de, comme je vous le disais, d'expliquer un petit peu en surface quand même à des boomers, hein, ce qu'est le féminisme, de voir encore et en restant inclusive. Parce que malheureusement, médiatiquement, je joue le jeu aussi des médias où je dois plus rassembler que je peux pas aller au point Z où je voudrais. Je dois déjà essayer d'aller au point C et de pas perdre trop de monde pour que ça serve, je l'espère en tout cas, à mon propos, à mon discours et à la cause. Là, je parle pas du féminisme, mais c'est périlleux. Tout en sans nier du coup la question, tout en essayant quand même de rebondir sur ma musique, parce qu'en fait, enfin, je fais de la musique. Et en fait, on me parle de tout sauf de ma musique. Ouais. Et vraiment, on me parle et du féminisme et donc de mon homosexualité, tu vois. En mode, mais du coup, vous êtes une artiste engagée, du coup, pas pourquoi vous faites ça, mais ouais, vous vous posez la question. Et donc, je dois à la fois dire en souriant, bah, c'est ma life, en fait, les gars. Et en même temps, réaffirmer aussi beaucoup plus qu'avant, là où j'étais peut-être plus timide, parce que plus fébrile, parce que c'est pas simple aussi, voilà. Enfin, bon, on pose toujours cette question, êtes-vous militante, porte-drapeau, tout ça, tout ça. Et en même temps... d'affirmer encore plus fort le truc de oui, En tout cas, là, je parle pour moi. Oui, bien sûr que c'est politique, bien sûr que l'art est politique, bien sûr que je suis militante, bien sûr que... Là où, au départ, il y a 4 ans, j'étais un peu à tâtons en mode... Oulala, enfin, moi, des potes militants et militantes, j'en connais. Et je me trouvais pas du tout légitime qu'on me dise... Enfin, moi, j'écrivais des petites chansons. Et en fait, bah, je trouve, en tout cas, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais ça m'intéresserait de l'avoir... je trouve en tout cas dans mon évolution et tout que voilà 4 ans plus tard je me dois d'affirmer, de réaffirmer une position très affirmée, très empowerante quoi, de bien sûr, allez-y, posez-moi les questions, bien sûr je suis là et en fait bah de toute façon vous me mettez dans cette case là, mais en même temps est-ce que j'ai le choix, en même temps est-ce que si on n'est pas plus nombreux, nombreuses à le faire ce sera plus... Tu vois, qu'est-ce que vous diriez, enfin, ça m'intéresse trop, mais non, mais c'est vrai. À la fois, on ne peut pas rejeter en mode, bah vas-y, on n'a pas éduqué tous les gens. Mais ouais, mais en fait, tu vois... T'as une posture publique aussi. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et des fois, c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas le choix. Et du coup, ça me donne envie d'embrayer sur la suite, parce que c'est un peu en lien. Parce que du coup, pour toi, la musique, est-ce que c'est une manière de porter un message militant? La musique en tant que... Enfin, ta musique... Ouais. Mais du coup, ce message-là, tu l'adresses à qui? Plutôt à ta communauté ou plutôt au reste du monde? Ah, c'est une bonne question. Je dirais qu'au départ, plus pour ma communauté, en vrai. Ouais. Parce que j'ai envie de leur parler à eux. Oh, je vais pleurer carrément. Ouais. Pardon, c'est la fatigue. Non, mais c'est des belles larmes en plus. Ouais, ça me touche beaucoup parce que... Ouais, c'est pas facile en fait. C'est pas facile d'exister dans ce monde. Et du coup, ouais, quand j'écris, j'ai envie que... Ouais, quand j'écris Joli Danger ou c'est une chanson hyper sensuelle, sexuelle, bien sûr que j'ai envie, là pour le coup, que mes copines lesbiennes, parce que je m'adresse à elles, mais ça peut être... bien sûr que j'ai envie qu'elles kiffent sur ce son et qu'elles aient enfin un son où de A à Z c'est leur histoire en fait, ou en tout cas elles se l'approprient. Et quand je chante Unique, j'ai bien sûr que j'ai envie que la personne coincée dans sa campagne n'ose pas faire son coming out trans et qui galère à vivre et qui a juste envie de sauter par la fenêtre, bien sûr que j'ai envie qu'elle y croit et qu'elle se dise ah putain, ok, putain ça existe en fait, enfin je suis pas solo en fait. Et ouais, quand j'écris ouais d'abord j'écris pour ces gens là après j'ai envie que ça soit réceptionné par tout le monde parce que j'ai envie que tout le monde se prenne mes chansons en pleine gueule et j'ai envie que ça les touche et que du coup tout le monde se rendre compte que cette émotion et cet amour, il est universel, tu vois. Et j'ai envie que tout le monde se l'approprie, ça, pour le coup. Et parce que j'ai envie que ma musique soit vue et entendue par autant de monde que possible pour encore plus porter mon message militant et encore plus juste donner à voir une autre présentation, en fait. En fait, j'en peux plus qu'on ait 4 représentations et qu'on nous dise que c'est comme ça qu'il faut être, quoi. Que ce soit la question du genre, de la sexualité, de la représentation physique, tout, en fait. Voilà, moi je débarque, je suis comme ça, je suis habillée comme ça, j'aime comme ça, mes pronoms c'est ça. Voilà, moi c'est ça. Mais juste, putain, j'aimerais trop que tout le monde ait cette voix-là et qu'on puisse juste montrer que le monde tellement plus vaste que vos définitions, quoi. Ce serait beau. Ouais, mais après, moi j'ai beaucoup d'espoir, je suis très utopiste. Et heureusement, ça aide quand même à vivre et j'y crois beaucoup à la poésie. Bah, c'est pour ça que je fais ça aussi, hein. Après, la réalité, elle est un peu plus dure, mais du coup, tu vois, en ayant galéré, toute proportion gardée, hein, attention, parce que j'ai de la chance, je le sais, hein, franchement, j'ai de la chance, je fais des concerts, je débarque, je vais à Saint-Étienne, j'ai de la chance de jouer dans un club, et voilà, d'avoir des gens qui viennent me voir, qui ont entendu parler, qui sont curieux et tout, mais... Bah, en fait, en ayant eu 2 ans de silence, 2 ans de recul, et bon, plein de ruptures à des endroits de déflagration personnelle, professionnelle, de désillusion aussi, même par rapport au monde de la musique, bah, du coup, j'ai tellement de joie à partager et à vraiment recréer du lien avec les gens que, tu vois, je vis vraiment chaque concert comme un moment où on a vraiment besoin de se retrouver physiquement. Et je trouve que aussi le confinement et tout, il a quand même un peu éloigné les gens dans le rapport, physique, pardon, je me répète, mais tu sais, de vie où on ne se rend pas compte à quel point partager un concert avec des... et pas qu'un écran et tout ça, ça a du sens, quoi. Et j'ai encore plus envie de porter mes messages qui sont juste ma vie, mais cette vie-là n'est pas si simple à vivre, donc il faut le crier haut et fort. Y a des phénomènes qui rendent en vide, ah, je vois que les phéromones s'agitent, ah. On arrive sur une question un peu relou. Vas-y, hein, t'inquiète. Puisque tu disais que pour beaucoup, tu as envie de t'adresser à ta communauté. Ici, on est à Saint-Thé, et du coup, qui est une ville plutôt populaire, avec une grande partie de la communauté queer qui est précaire. Ça, je sais pas si. Bon, pas un peu partout en France, mais du coup, à Saint-Thé, ça l'est. Et est-ce que toi, ça te pose question? Le prix. Ouais, la question autour du prix de cette soirée, qui fait que du coup, il y a plein de personnes des milieux queer et transmédéguines qui peuvent pas venir. Non, c'est pas une question relou. je vais répondre en toute honnêteté et pas faire de la langue de bois. J'essaye d'être au fait de à peu près tous les aspects de mon projet et je pense être quelqu'un de très très impliqué qui, du coup, du début de la chaîne d'écriture jusqu'à la diffusion, essaye d'avoir un regard sur tout. Malheureusement, en toute honnêteté, je ne sais pas du tout combien coûte cette soirée. Donc, c'est pas une question relou, mais c'est une réalité où, en fait, je peux expliquer. Moi, par exemple, j'ai un tourneur qui gère ma tournée, qui produit du coup, et une maison de disques. Donc j'appartiens à un système, enfin, de toute façon je vends de la musique, hein, capitaliste, hein, de base. Donc ça aussi, il faut dealer avec pas mal de paradoxes, pas mal de réalités assez extrêmes, enfin de différences quoi, de réalités. Je sais pas à quelle hauteur moi je pourrais, à l'heure actuelle, là où j'en suis, faire que ce soit différent. Je pense que c'est possible, parce que tout est possible. Mais il faudrait alors penser à ce que limite... Enfin, comment faire pour faire accéder à ce type de public les concerts? Je ne sais pas du tout. Parce qu'à l'heure actuelle, je galère déjà, à mon échelle, moi, à me produire en dehors, par exemple, de ma ville qui est Paris. C'est-à-dire que là, c'est une vraie... par exemple, ici, on est à perte. On est à perte en province. Le temps que j'essaye de rembourser, c'est-à-dire que je suis sous contrat avec une maison de production qui, du coup, met de l'argent et qui essaye de se rembourser. Globalement, c'est ça, on va résumer. Mais du coup, par exemple, toutes les dates qu'on fait, elles sont à perte. C'est-à-dire que le fait de nous faire venir, de nous payer tout ça, ça veut dire que le producteur perd de l'argent et espère récupérer, je sais pas, dans un an, deux ans, sa mise, ça. Donc en fait, c'est des économies auxquelles j'ai pas vraiment accès et auxquelles le prix des places n'est pas de mon ressort. C'est-à-dire que moi, nous, on gagne pas l'argent de ce soir. En fait, nous, on arrive et on a un prix de session en mode, bah voilà, Aloïse, dans un club, c'est tant d'euros. Et en fait, les salles achètent ça. Mais par contre, nous, on n'a pas... Eux, après, ils font ce qu'ils veulent. Au bar, le prix des places. Et d'ailleurs, les prix des places sont très différents selon les lieux où je vais, selon les subventions qu'elles ont ou tout ça. Nous, en gros, on a un budget qu'on nous paye. Et avec ça, on paye les techniciens, on paye les musiciens et tout ça. Donc en fait, c'est une bonne question, pas du tout relou, parce que je trouve ça... en fait déplorable, mais à mon échelle, c'est vrai que c'est quoi, je vais pas dire je sais pas ce que je pourrais faire, je vais juste y réfléchir et faire en sorte peut-être de faire évoluer la situation, tu vois, genre en vrai t'as juste raison de me poser la question, mais et c'est une bonne question, donc c'est dommage juste qu'il y ait des gens qui aient envie de venir et qui peuvent pas financièrement. Ça me fout un peu les boules. Bah ouais, ça me pose question de ouf, en vrai, j'ai essayé de mettre des invites à tous mes potes, mais ouais, carrément, grave, je sais pas quoi dire de plus, en vrai, genre, je sais bien que c'est des questions économiques qui ont un lien avec combien ça coûte de faire tourner une salle de la taille du fil et d'inviter des artistes qui coûtent super cher à faire venir, mais du coup, en même temps, je me dis juste, en fait, mes potes, de toute façon, ils me voient tous les trois jours dans des soirées à prix libre, donc continuons à faire ça, et tant mieux qu'il y ait... Et voilà, ça dit juste pourquoi exactement on fait ça, en fait, de faire des soirées à prix libre ou à 5 balles ou machin, et que les conditions sont peut-être pas les mêmes, mais que, en fait, ça permet aux gens de venir, mais c'est clair que ça me fait chier grave. Moi, j'ai une dernière question, du coup. Est-ce que... tu continuerais à faire de la musique si jamais tu n'avais plus ces autres espaces autogérés et squats et tout ça pour jouer et qu'il y avait que tu pouvais jouer que dans des lieux institutionnels? Pas du tout, vraiment pas, en vrai. En vrai, je pense que là, je fais un petit 75-25 de lieu institutionnel. 25% de lieu institutionnel et encore en vrai, je pense que c'est moins que ça. Et un maximum de concerts dans des endroits de potes, quoi. Je sais pas comment dire, dans des endroits politiques ou en tout cas dans des bars ou... Voilà, dans des petits lieux. Non, clairement, je ferais pas ça alors que je ferais grave l'inverse. Enfin, je veux dire, s'il y avait plus de lieux institutionnels qui m'invitaient, je vais pas arrêter de faire de la musique. Alors que non, si avec les lieux institutionnels, je le ferais pas parce qu'en vrai... J'aime bien chanter sur des grosses scènes parce que c'est un peu... Parce que c'est classe, parce qu'en fait tout le monde adore, enfin je sais pas comment dire, parce qu'en fait c'est pour de vrai quelque chose de cool, de les concerts à plein de monde avec du gros son, des grosses lumières, un gros show. Tout le monde adore ça, mais si on n'a pas les moyens, ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Il y a aussi des fois des concerts à 30 où c'est la folie, et en fait c'est autre chose, et c'est cool d'avoir les deux. Et ben merci, je sais pas, t'as peut-être envie de rajouter un truc. Non, je sais pas. Pour les gens qui n'ont pas les moyens, samedi prochain, je joue dans une ville qu'on n'aime pas trop, mais en vrai, je joue au FACT, qui est le festival d'art et création trans à Lyon, au théâtre de l'Elysée. Et je crois que l'entrée, c'est vachement moins cher, je sais pas combien c'est. Mais c'est pas énorme. Et puis, il y aura aussi d'autres. Et puis, il y aura plein d'autres gens qui font des trucs super chouettes. Merci. Et bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait recommencer. Bah, j'aimerais dire que ça a du sens, tout ce qu'on fait. Ça a du sens et que c'est pas tous les jours facile, mais que vraiment... j'ai jamais été aussi mieux dans ma vie que depuis que je m'affirme pleinement. Chaque jour est une nouvelle expérience pour encore plus être fière de la personne que je suis et de l'affirmer aux yeux du monde. Moi, ça passe par les chansons, mais voilà, il y a plein de médiums, pas forcément artistiques d'ailleurs, pour juste être bien dans ses baskets. Et puis vous remercier pour ce que vous faites, parce que c'est trop bien. Et qu'ensemble, même si c'est utopiste, je suis sûre qu'on va changer le monde. Voilà, merci. Merci à toi. Merci à toi. Si brûler ses ailes est un jeu d'enfant, rusé pour s'élever, demande tact et temps. Et chaque état de corps annonce la couleur. Y'a pas de tactique d'or pour contrer la douleur. Les couleuvres s'avalent, la chaleur se supporte. Les voleurs détalent, la valeur des choses s'étiole. Plus que des marécages nauséabonds, des arrêts sales avec matraque. Attention, mauvais garçon, des phrases cachées, des marées basses, des femmes fâchées, des tarés crasses. Ils disent le monde est hostile, j'en dis la foule est docile. Pour faire brille face à porte à franchir. Et le raconte. Par les trompes d'eau qui tombent, si tu nous croises dans la nuit. On a des tatouages invisibles, toi tu les vois aussi. Et l'orage gronde. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent, si tu nous croises dans la nuit. On a des tatouages invisibles, toi tu les vois aussi. Alors faut s'en faire. On craint plus rien, faut voir plus loin. On craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'en faire. Bien trop d'excès, bientôt des faits. Bien trop d'excès, bientôt des faits. Alors faut s'en faire. Préparer. Des vitamines ou des vies acides, on veut du soleil, nous, pas des larmes salées. Facile de se taire ou compliqué de le dire, docile face taire ou forcé de capituler. Quelle est notre marge de manœuvre, on est malléable à vous, ou bien borne ou bien aveugle. Faudra pas pleurer si coup dans malléole. Faudra passer, dépasser des nos œuvres et aller hop. Coup de bâton dans côte tibia, cabéton, danse dans rue au quotidien. Rien n'est décisif excepté la mort. Est-ce que des plaisirs fous apaiseront nos douleurs? Nos visages se perdent dans nos songes. On voit les nuages entourer nos sourcils et se fondre. Dans ces gouttes perlées qui descendent sur nos joues, faudra sans doute parler pour éponger ces cendres. Parce qu'il faut être impactant, jamais bavé sur les côtés. Le regard toujours imposant, joliment axé sur le gâteau. Alors faut s'enfuir. On craint plus rien, faut voir plus loin. On craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir. Bien trop d'excès, bientôt des faits, bien trop d'excès, bientôt des faits. Alors faut s'en faire. plus loin. Crains plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir. Il faudrait être prêt sans y avoir été préparé. Il faudrait être prêt sans y avoir été préparé. Vous êtes toujours en direct dans Comme un ouragan sur Radio Dio 89.5. Après l'interview croisée de Klaus Tinto et Aloïs Sauvage, on vient d'écouter l'orage de Aloïs Sauvage. Et on va continuer avec une petite interview de Sacha, d'Hostile entre autres. Du coup, interview en direct cette fois. Mais on va recommencer par la première question qu'on a posée aux deux autres artistes. Toi, t'es une meuf trans qui fait de la musique. Comment ça se passe pour toi dans le monde sexiste et hétérosexuel de la musique actuelle? Comment ça se passe? Moi, j'ai pas l'impression que ça a changé énorme de trucs que je m'out dans... Enfin, moi, je traîne que dans les trucs punk, quand même, globalement, faut le dire. Et aussi, j'ai l'impression que ce qui se passe pour moi, c'est que... J'ai l'impression que j'étais déjà une personne chelou avant et que plutôt je suis toujours une personne chelou, et c'est ça qui fait que ça fait des trucs compliqués avec les gens, ou, enfin compliqués en tout cas, qui définissent ce qui se passe avec les gens. Et du coup, oui, c'est sûr, maintenant je fais des groupes avec des queers, du coup on est en bande, on joue beaucoup dans des espaces queers en vrai, ou plutôt c'est ça qui est posé comme ambiance, du coup en vrai c'est plutôt confortable. Et puis les gens qui sont relous, ils savent qu'il faut pas nous faire chier. Enfin, je sais pas, il y a un truc où j'ai pas l'impression que ce soit si terrible pour moi, cet endroit-là. Et toi, quand t'es sur scène, t'arriverais à nous dire un peu pour qui tu chantes? Moi, c'est sûr que je pense que je chante d'abord pour les queers, pour les potes, mais pas que. Enfin, aussi beaucoup pour les gens qui sont... qui peut-être n'ont pas l'habitude de voir d'autres personnes trans sur scène, par exemple, de personnes trans femmes. Moi, je pense que c'est les fois où j'ai joué, et c'était notamment, enfin, pas que avec des groupes où on était que des queers, mais parce que j'ai aussi un groupe mixte, quoi. Et voir des meufs trans qui viennent à la fin d'un concert et tout, yes, c'est hyper touchant. Et ouais, après, je crois ce que a dit la cousine là. À un moment donné, ça s'adresse aux gens de ma communauté queer, trans avant tout, et aussi au reste du monde, parce que un truc d'amour universel, là, je crois que ça me parle un peu quand même. Puis aussi un truc de on a la haine, il y a des bonnes raisons, faut l'entendre, quoi. C'est voilà, c'est nuancé finalement. Entre l'amour et la haine. Ouais, c'est rigolo, c'était une des questions que j'avais envie de te poser aussi, où Aloïse, un peu au début de son interview, a dit qu'elle cherche beaucoup à faire de la musique pour trouver son chemin de la joie, là. Enfin, je sais pas, elle a vachement un discours autour de ça aussi, et que moi, je trouve que... Enfin, je sais pas, comment ça se partage, tu vois, enfin, aussi sur comment est-ce qu'on fait de la musique pour partager des émotions aussi très fortes, et que moi j'ai l'impression que là, quand je l'ai vu en concert, que c'est sûr qu'elle a vachement ce discours-là de « Hey, c'est un moment ensemble, on donne du powerful », et en même temps qu'il y a des trucs durs, et je sais pas, comment... Ouais, c'est sûr que nous, ce qu'on fait, c'est très émo, et je pense que ça... arrive pas souvent que les gens ils chialent pas à un moment donné, parce qu'on aussi on brasse des sujets lourds et qu'on en parle et qu'on le nomme comme ça, et du coup ça c'est très brassant, et je crois moi individuellement, je pense que j'ai fort un truc depuis toujours que je fais du punk, de mettre beaucoup ma colère, ma souffrance dans la musique, et ça fait que c'est à un endroit un peu précis, et je crois que ça m'aide beaucoup, c'est un truc de soin, quoi, pour moi. Ça fait que mettre ça à cet endroit-là, je le mets pas, enfin, à un autre endroit ou à un mauvais endroit. Enfin, surtout les trucs de colère et tout ça. Du coup, c'est sûr que c'est très important pour moi, ce truc-là, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un truc de soin pour toi et les autres qui jouent, mais c'est aussi un truc de soin pour les personnes qui sont là au concert, en fait. Enfin, aussi, mais alors peut-être que, parce que aussi moi je viens du punk, et cette manière d'évacuer la colère, je la partage, mais en tout cas, moi, quand je vais dans un concert comme ça, en fait, c'est aussi un truc de soin et de, une manière d'évacuer des choses qui vont pas, quoi. Et que ça, moi, j'ai l'impression que ça se fait aussi, comme tu dis, quoi, de... aussi avec qui tu partages ça. Et justement, toi, c'est un peu qui ton... Enfin, je sais pas, ton premier cercle ou avec qui tu fais ressources là autour de les tournées, avec qui tu continues à composer de la zik, le public, qui c'est qui fait le son. C'est une question. Ouais, bah c'est un peu, c'est qui tes points de ressources quoi. Enfin. C'est sûr que pour moi, il y a un truc hyper fort de les gens avec qui je fais la musique, c'est des proches. Que dans Hostile, par exemple. C'est des personnes dont je suis super proche, que ça a défini, enfin on se connaissait avant de faire la musique et je crois j'ai eu des expériences récemment de faire la musique avec des gens avec qui je partage pas des choses fortes à la base et c'était très bien aussi et aussi parce qu'on s'est rencontrés sur des bases de head queer quand même, ça pose un truc. Mais ouais c'est sûr que ça c'est super important pour moi, genre en mode je joue d'abord avec les gens... avec qui, enfin en fait les gens avec qui je fais de la musique c'est des gens qui sont parmi les plus proches. Je pense que ça pose aussi un truc de toute façon ce qu'on va brasser ça va être intense pour ça aussi quoi. Et on vit des choses intenses entre nous et enfin je pense que ça se capte aussi, j'ai l'impression. Et sur les endroits où tu vas jouer, parce que moi j'ai l'impression là que ça a été aussi deux longues interviews où ça parlait beaucoup des enjeux de l'économie de la scène de la musique actuelle qui sont un certain type d'enjeux et je sais pas, moi ça m'intéresse de voir un peu toi, comment, où est-ce que t'as envie de jouer, qu'est-ce qui te fait kiffer, c'est quoi ton enjeu par rapport à la thune aussi, ce genre de truc. Bah oui c'est sûr que pour moi il n'y a pas de sous-métier quoi, mais du coup c'est des trucs de métier, de taf et ça, moi ça m'intéresse pas du tout, ça c'est clair depuis longtemps. Et ouais, moi, on joue dans des squats. Enfin, même le simple fait de moi jouer dans des bars, ça me pose question et ça, je pense que ça arrive. Mais déjà, ça me fait un truc de... C'est un lieu marchand, on va enrichir des patrons. Enfin, c'est pas... Ça me fait pas rêver, quoi. Et ouais, ça, c'est super important que ce soit prix libre. Enfin, nous, on joue pas dans des endroits qui sont pas prix libre. Enfin, je crois pas que ce soit arrivé. Et plutôt, c'est un truc, un cap qu'on a. Et nous, on ne veut pas faire d'argent, on galère dans la vie, on galère pour répéter, on va faire du stop. Et du coup, les gens avec qui on a envie de partager des trucs, c'est aussi les gens qui vivent ça, les gens qui galèrent. Une des personnes avec qui on joue, on s'est rencontrés parce qu'on vivait en squat et qu'on était grave dans la merde, quoi. Du coup, ça pose un truc, je pense. Et ça reste fort fort. Et ouais, clairement, c'est des questions de classe, quoi. Je crois que ça, c'est hyper important de... Enfin, je trouve quand on parle des trucs... des questions queer, machin, truc et tout... je crois que c'est aussi important de parler de classe, quoi. De classe et de race, et que... Ouais, voilà, je sais pas. Moi, je trouve ça vachement important, là, de rappeler aussi là ce que tu viens de dire, d'où est-ce qu'on joue, et les enjeux de classe, etc. Et enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est... important de dire aussi c'est quoi la scène punk, la scène queer et que est-ce qu'on peut partager à travers ça et qu'effectivement que j'ai l'impression aussi que dans la musique on peut se raconter plein de trucs j'ai pas vraiment une question, vous pouvez moi j'ai une question qui rejoint un peu ça parce qu'on a déjà fait une émission ensemble qui s'appelait Trop queer pour les punks et trop punk pour les queers et qui un peu expliquer à quel point c'était pas facile d'avoir à plein de moments le cul entre deux chaises, comme on dit, et de pas se sentir bien ni dans un des milieux ni dans l'autre. Et je me demandais un peu, toi, aujourd'hui, comment t'en es par rapport à ça ? Enfin, où t'en es par rapport à ça ? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des trucs qui évoluent ou pas ? Est-ce que tu te sens toujours trop schlag quand t'es dans des milieux queer ou trop queer quand t'es dans des concerts punk? Enfin, Ben ouais, ça c'est marrant parce que moi je me sens pas si schlag dans la vie par rapport à d'autres potes. Et que en vrai, ça m'est arrivé de traîner dans des trucs queer et de me sentir schlag. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi ? Enfin, pourquoi moi je ressens ça là alors que je suis juste avec ma canette, tu vois ? Je sais pas. Enfin, et je sais pas pourquoi. Et peut-être c'est mes propres projections, j'en sais rien. Mais c'est sûr que je pense que ça vient pas de nulle part. Et je crois que c'est, moi ça me fait penser, bon c'est des questions très très larges, mais aussi à la culture de, qu'il se passe des trucs dans les milieux queer, féministes, ou par rapport aux questions de safe et de machin, et que je crois qu'on a très très peur du conflit, qu'on est très traumatisé, du coup on a des réactions un peu, enfin c'est un vrai enjeu très très compliqué quoi, mais je pense que, bah ouais du coup ça fait un truc de, quand t'es punk, ça c'est pas un problème quoi. Enfin du coup peut-être c'est pas forcément une bonne chose, enfin qu'une bonne chose, mais c'est sûr que du coup ça fait un truc de ce truc là qui est dans, qui est, enfin qui me paraît important de questionner dans des trucs communautaires. Ouais, j'imagine que mon, peut-être mon vécu là joue, qui fait que j'ai un regard différent, je sais pas si c'est punk ou la vie de squatologie un peu de la rue ou je sais pas quoi, mais je sais pas. Ouais, moi je trouve ça renvoie aussi à ce que tu disais au début, d'être aussi une personne chelou. Enfin, mmh. Tu vois, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a ce truc que quand même le monde queer, il est aussi plein de normes qui viennent de ce monde aussi, rapport de classe, rapport de race, etc. Et que, et aussi, je sais pas moi, ce vécu et cette communauté que tu peux faire avec les chelous et que c'est pas forcément qu'avec les queers, enfin que c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, et tu sais pas, on peut continuer avec en s'écoutant une musique. Un petit morceau de style. Oh oui. Carrément, je vais lancer ça. Et c'était Hostile pour Comme un ouragan sur Radio Dio. J'ai envie seulement de dire un truc de part du public, parce que moi je viens seulement toujours en public au concert. Et moi personnellement, c'est plutôt un grand merci à toutes les personnes qui sont sur scène, parce que moi je trouve que ça fait toujours grave du bien d'entendre des voix qui ont vécu, si c'est complètement pareil ou un peu, et quelqu'un qui chante tes vécus en haute voix ou qui crie ta colère, parce que toi tu arrives peut-être pas à le faire, et ça fait grave du bien. Alors, c'est super. Ouais, et puis que ce son aussi, moi je trouve il me fait du bien sur le changement de style musical aussi. Enfin, en tout cas, ça me touche aussi là, ce qu'on vient d'entendre. Et t'as envie de nous dire un peu ce que ça raconte, cette zik ? Ouais, justement, ça me faisait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le truc de porter de la joie ou je sais pas quoi. Et que cette chanson, elle parle un peu de... Enfin, moi, quand je l'ai écrite, c'était un peu un truc de... Bah ouais, je suis queer, mais il y a des formes de représentation d'être queer qui ne me parlent pas. Et que plutôt, j'aime des trucs sombres et que je suis punk. Et du coup, il y a ce truc-là de dire on n'est pas dans les paillettes ou je sais pas quoi. Et on est dans des trucs sombres et des trucs de tristesse, de colère et tout. Et aussi qu'on se donne de la force. Enfin, c'est un truc de quand même de se dire qu'on va se soutenir. Ça c'est important, et aussi que les émotions, quelles qu'elles soient, elles ont des raisons d'exister, elles sont importantes et il faut en prendre soin, et pas seulement, moi je cherche pas à être heureuse dans la vie, enfin je cherche à vivre mes émotions parce que elles ont un sens, et je crois que c'est important, ce truc là aussi, dans les tripes de je sais pas quoi, de hippie ou de trucs de développement personnel ou j'en sais rien, ça. Est-ce qu'on finirait par un petit agenda de ce qu'il y a à faire dans les prochains jours à Saint-Étienne ou ailleurs ? Eh ben oui, on peut faire ça. À Saint-Étienne, là, il va y avoir une manif comme il y en a une la semaine dernière, jeudi à 11h. Je ne sais plus où est le lieu de rendez-vous. Mais il y a en tout cas, c'est vers la Bourse du Travail, non ? Il ouais, me semble. Crois, ouais. Rendez-vous sous le drapeau trans. Voilà, il va y avoir un appel à cortège trans pédéguine pour aussi exister dans les autres luttes sociales qui nous concernent aussi. On est sur tout ce qui touche la précarité, ben on est hyper concernés et qu'on n'existe pas souvent dans les manifs un peu syndicales. Du coup, il y a eu un appel à cortège trans pédéguine. Donc voilà, assez facile à repérer parce qu'il va y avoir un immense drapeau trans. Ouais, et puis que c'est en plus que c'est une manif d'appel à des trucs de grève générale et de construction de la révolution. Du coup, finalement, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Oui, c'est ça, un peu quand même. Encore en première ligne. Et autre événement qui va commencer. Vendredi ou samedi, je ne sais plus. Samedi, il me semble. Non, qui a même commencé, je crois. Qui a même déjà commencé, qui a lieu pendant 10 jours à Lyon. C'est le FACT, le Festival d'Art et Création Trans, où il y a toutes sortes de choses pendant 10 jours faites par des personnes trans. Du coup, des concerts, des spectacles, des expositions, des lectures de poèmes, des performances de tout type ou en tout genre. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la programmation qui est vraiment très dense avec des personnes vraiment chouettes, dont Lu, Klaus Tinto, qu'on a entendu tout à l'heure et qui joue samedi soir. Ouais, au théâtre de l'Élysée à Lyon, du coup. Voilà, c'est l'heure de dire bonsoir. Non, nous, on s'écoute dans 2 semaines. Et vous avez encore quelque chose à dire ? Bah ouais, merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci Sacha. Merci Sacha, merci Klaus Tinto, merci Aloïs Sauvage pour les interviews. Merci en technique. Ouais. Je vais mettre une petite dernière chanson. Oui. Et la chanson s'appelle Ein Schritt de Daipi qui parle des classes. Bisous, bisous. Bisous et bonne soirée. Bonne nuit. Ah, dieses Leben schenkt dir nix, komm erzähl mir nix von Glück. Ein Schritt nach vorn, aber 2 Schritte zurück. Nur Kunst zu überleben, wenn das Viertel dich erdrückt. Ein Schritt nach vorn, aber 2 Schritte zurück. Über Wasser halten, Scheine machen hier viele verrückt. Ein Schritt nach vorn, aber 2 Schritte zurück. Glück. Bin gestresst und genervt, lauf ne Runde um den Block. Alle fressen, abgefuckt und kein Bock. Betäubt und benebelt vom Smog. Der Antrieb ist Para, den Drang zu übernehmen von meinem Vater. Laufen durch das Hamsterrad, das sich Leben nennt. Für solche wie uns gibt's hier nix geschenkt. Wir sprechen auch aus, was ihr alle denkt. Der Hass und die Gier wird vom Staat gelenkt. In meiner Gegend musst du schnell agieren. Es kann auch passieren, dass du heute Sisi machst und morgen alles verlierst. Unser Motto: niemals aufgeben. Alles andere sind Ausreden. Das Leben hier ist krumm, doch unsere Jib ist gerade. Es gibt immer einen Grund für die beschissene Lage. Von 0 auf 100 in Rage, Digga, ich pass nicht in die Norm. Neuer Tag, neues Glück, es beginnt alles von vorn. Dieses Leben schenkt dir nix, komm, erzähl mir nix von Glück. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Nur Kunst zu überleben, wenn das Viertel dich erdrückt. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Über Wasser halten, Scheine machen hier viele verrückt. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Jeder will vom Kuchen nur ein Stück. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Egal was heute noch geschieht, bleib im Fokus, hab mein Weed. Behalt alles diskret, red nicht drüber, was du siehst. Dreh mit Kusch und Chesterfield, Digga, Kopf, ciao. Und durch die Rückschläge mir einen fetten Blunt rauch. Hoodies sitzen tief, wenn es uns dreckig ergeht. Und die da weiter oben können das gar nicht verstehen. Wofür wir alles hassen wollen, nur überleben. Denn was ich alles will, werde ich mir sicher auch nehmen. Bis dahin einfach machen und die Konsequenzen tragen. Durch Strecke begrenzen, durch die Digitalwaage. Viertel Update, wir sind self-made. Die Wurzeln in Luanda bis hierhin ein weiter Weg. Bei einem machst du Schnapp, bei einem anderen musst du blechen. Trau nur den eigenen Leuten, alle anderen wollen nur hetzen. Alles Pisser, Step beiseite, wer im Weg steht. Ihr seid fake, habt gelernt, wie's auch anders geht. Dieses Leben schenkt dir nix, komm, erzähl mir nix vom Glück. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Nur Kunst zu überleben, wenn das Viertel dich erdrückt. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Bleib ich irgendwo stehen oder lauf ich weiter? Bruno weiß Bescheid. Klatschen in der Schule. Ein Schritt nach vorn, aber zwei Schritte zurück. Egal.